peu maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Célasso. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Célasso. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée dans Planet Rap avec Célasso de retour. Comment va? Très bien, it's okay. Yeah, vraiment. Pas de problème. Bien. Regarde, si tu as un problème aujourd'hui, regarde, si c'est un petit coup de fatigue, si tu sens plus le français, il y a Harold qui est là. Ah voilà. Qui va te seconder. Merci beaucoup, monsieur. Oh. Merci beaucoup, monsieur Harold. Bonsoir. D'être là. Ça va bien, Harold, en pleine forme? Ça va très bien. Et bah, Célasso est là combien? 6 jours maintenant, on est à 6 jours de la sortie. Oui. Nouvel album qu'on va encore découvrir. L'album s'appelle Reason. C'est ça, hein? Oui. Tu m'arrêtes si l'accent est mauvais, n'hésite pas un instant. Oui, Reason. Reason. Exactement. Avec Célasso, et on va surtout se rappeler, avant de débuter l'émission, ce qui s'est passé hier soir. C'était pour ton premier Planet Rap, ton retour dans Planet Rap, ça donnait ça. Planet Rap. Écoute, c'était hier soir. Planet Rap. En direct sur Skyrock. Bon, on va passer une semaine ensemble, en tout cas, je suis content de te retrouver. Ah, voilà, moi aussi. Ça fait plusieurs années, déjà, on avait découvert ton premier album qui a fait un véritable carton, porté notamment par le morceau Ragamuffin. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'as fait d'ailleurs durant, allez, on va dire, depuis la sortie du précédent album? Il y a 4 ans en tout, hein, qui se sont écoulés, hein, mine de rien. Oui. Donc il y a eu forcément beaucoup de tournées, t'as beaucoup tourné, beaucoup oui, joué. Beaucoup tourné, joué aussi pour 2 ans et demi. 2 ans et demi de tournée. Oui, tournée, ouais. Et alors, quand on revient à la maison, ça fait du bien? C'était 4 mois à la maison et j'ai écrit beaucoup de chansons là-bas. Célasso. Bien, détendu. Détendu. Heureuse par rapport à cet album. Je sens bien. Tu sens bien? Oui. Ouais. Oui, bien. Pas trop. Mais aussi relaxed. Ouais, relax. Je pense que c'est important, mais c'est mon personnalité aussi. Je suis jamais vraiment stressée. T'es pas un peu tendu en disant mais comment est-ce que les gens vont percevoir cet album? Comment? Trop, moi-même, je suis sûre de l'album, donc. Planet Rap. Et il y a un morceau donc sur cet album qui s'appelle Together. C'est le seul featuring de l'album, celui-ci, Céline. Oui. Quelques chansons demandent pour une featuring. Et vraiment, Together demandait un feature. C'est, alors, avec toi, tu n'es pas toute seule. Évidemment, ouais. Si c'est un featuring, c'est avec Childish Gambino, qui est un rappeur américain. Hein, oui. Ouais. Que tu as rencontré comment? C'est aussi mon producteur, Ludwig Göransson, et aussi le producteur de Childish Gambino. Et tout le monde habite à Los Angeles, tous les artistes et producteurs. Maintenant, c'est le place to be. Hier soir, en direct avec Célasso sur Skyrock. Célasso. Et ce soir, nouvelle soirée dans Planet Rap entre 20 et 21 avec Célasso. L'album arrive dans 6 jours. Comment on sent à 6 jours de la sortie, Célasso? Je suis excitée. Excitée. J'aime bien ton côté avec cette petite pointe germanique que tu as en fait. Ah oui, c'est possible parce que je parle flamand, c'est la même. Et ouais, c'est les mêmes sonorités quoi. Voilà, exactement. Donc très excitée à la sortie dans 6 jours. Oui. Bien, détendue, contente. Oui, je suis contente et c'est le bon moment maintenant. C'est déjà 4 ans avec le premier album et donc maintenant je suis prêt. Ça y est, tu es prêt, tu as bien bossé, tu as beaucoup bossé sur cet album. On en parlait un petit peu hier, on va continuer à en parler ce soir. On va continuer à découvrir cet album. Et puis ce soir, il y a une petite surprise, tu es venu avec ta guitare. Oui. Pour nous chanter, pour nous ambiancer. Mm-hmm. Ce sera quoi, un medley, un petit retour en arrière? Oui, petit medley Petit medley quelque tout à l'heure. Quelque chose nouveau. Et ben on va pouvoir découvrir ça en live dans quelques minutes, mais juste avant, on débute avec ton morceau, c'est Alone. Oui. Let's go. Avec nous toute la semaine entre 20 et 21 et ce morceau extrait de l'album Reason qui sort dans une semaine, allez dans 6 jours lundi, et qui est en précommande dès maintenant. On peut précommander l'album de Célasso, Alone sur Skyrock. Il y a aussi une version, tiens, je crois d'ailleurs peut-être demain il va passer, il y a Gizmo aussi qui est présente sur ton morceau, un morceau qu'on a beaucoup joué sur Skyrock, sur le Alone. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu as toujours une oreille aussi sur ce qui se passe ici en France, sur le rap français. C'est là. Aaron, n'hésite pas à parler proche du micro, comme ça tout le monde peut entendre ta belle voix aussi. Okay, voilà. Oui, pas vraiment, non. Non, c'est parce qu'on t'a dit il est bien, lui, Gizmo, faudrait que tu poses avec lui. Because I told you that Gizmo was a good person, that you should work with him. Oui, c'est juste, they show me a lot of different rappers and then I pick out the vibe that I feel best. Ils m'ont fait écouter beaucoup de rappeurs en France et j'ai pris le vibe que je trouvais le meilleur pour mon disque. Donc tu l'as rencontré un petit peu, Gizmo, quand même, non? Tu vois un petit peu le personnage? But you met Gizmo before? Yeah, like a few minutes, but not really long time. We should meet a bit longer, but it's always like in a hurry because he's busy and I'm busy, so it's really a rush always. Oui, je l'ai rencontré quelques minutes, mais ça aurait dû être plus long. Mais malheureusement, on est tous très pressés, donc j'aurais aimé que ce soit plus long. Mais en fait, on s'est vraiment que vu quelques minutes. Bon, peut-être qu'il va passer dans la semaine. Soyez là tous les soirs entre 20h et 21h. Et la version que vous écoutez sur Skyrock avec Gizmo. Tiens, d'ailleurs, parmi ces 4 dernières années, depuis la sortie de ton album, le premier album, cette tournée mondiale que tu as pu faire, c'était qui les plus belles rencontres pour toi, Célesso? What were the best encounters and meetings that you made during your world tour? Je pense meeting Prince, c'était mm-hmm. incroyable. Mais aussi, for me, it was the biggest, not the encounters, but more like when I performed, you know, that it was all sold out in the whole world and that people sang the record from beginning till end. That really blew my mind, really. Rencontrer Prince, ça a été vraiment très fort. Mais les rencontres, c'est pas seulement ce qui est le plus fort pour moi, c'est de jouer, d'être dans les salles. Les salles étaient pleines et partout dans le monde, les gens connaissaient le disque par cœur. Et ça a été une grosse claque en fait. Il y a des moments, il y a forcément aussi des villes que tu as découvertes que tu connaissais pas. You must have encountered and visited new cities that you didn't know. Yes, and for me that was like the most. For example, Brazil. Brazil was amazing. Argentina. What else? Yeah. Japan was also something really special. Oui, pour moi, c'est le Brésil que j'ai adoré, l'Argentine aussi, ouais. Mais c'est le Japon sans doute qui a été le plus particulier. Bon, là tu te reposes, tu nous parles plus en français, t'as vu, tu te laisses aller par Harold qui est là, qui traduit, hein. Ça fait du bien, hein. Oh, c'est vraiment, vraiment relax comme ça. Ah ouais, c'est relax vraiment comme relax. Ça. Bon, il faut dire aussi que tu seras en concert en France pour le jour, d'ailleurs le jour de la sortie, t'es à l'Olympia, il me semble, si je dis pas de bêtises. The release of the record, you will be playing at the Olympia in Paris. Ah oui. Yeah. C'est parce que t'aimes quand même ce public français ici. Il y a une alchimie particulière ici. À Paris, c'est toujours spécial. Je sais pas pourquoi, mais ici, c'est vraiment. C'était le début de tout. Donc pour moi, c'est même comme la même maison. Et c'est juste une heure et demie à Bruxelles. Donc pour moi, c'est vraiment la maison ici. Voilà, c'est juste à côté. Ouais, ouais. Tu vas jouer un peu en Belgique aussi? T'as joué un petit peu ces derniers temps ou pas? Have you performed in Belgium before? Pas vraiment, non. Mais je vais faire un grand concert à un grand salle à Belgique, mais pas plus de ça. Et un grand festival aussi, Werchter, ouais. Werchter. C'est vrai que t'as fait aussi beaucoup de festivals, hein. Ça aussi, ça doit être une ambiance particulière, les festivals avec tous les artistes que tu croises. Et tout à l'heure, quand je te demandais les rencontres, on parlait de Prince. Est-ce qu'il y a aussi des artistes que t'as pu découvrir en festival, des gens qui étaient en tournée avec toi et avec qui tu as particulièrement connecté? Moi, pour être honnête, quand je suis à festival, I never go check out somebody. I always want to rest in the tour bus before I perform. Pour dire la vérité, jamais je vais voir les autres qui jouent, les autres groupes. En fait, je reste dans le bus, le car où on tourne, avec lequel on tourne, et je reste et je me repose avant le concert. Ouais. Besoin de beaucoup de repos un petit peu, c'est là, hein. Oui, moi, oui, 10 heures. Toi, il faut que t'arrives à dormir, quoi. Ouais. T'es une sacrée dormeuse. Oui. Bon, et les ambiances, ouais, tourbus, par contre, c'est des ambiances un peu magiques avec tous les musiciens, avec toute l'équipe. C'est une famille, quoi. Quand c'est vous vraiment baladez, une famille. C'est ouais. une famille. Ouais. Et bah, cette famille, on la retrouve sur scène. Donc, dès la sortie, mais c'est blindé, hein, cherchez pas de place. Olympia, c'est complet. Il y aura un Zénith aussi à Paris. Puis une tournée dans toute la France, on vous filera les dates cette semaine. On va écouter un autre morceau de ton album, si tu veux bien, c'est là. Ok. On met le I Won't Go For More. Ok, c'est bien. Ça te plaît? Ça te va? Ok. Tu veux dire un mot sur celui-ci, qui l'a produit, avec qui t'as bossé? J'ai écrit cette chanson sur la guitare. Avec ma voix. Et, Ah bon? Oui. Et après, le producteur, c'était surtout Robin Hannibal. Il a fait une bonne production sur ça. Vraiment cool, vraiment Fugees, petit peu hip-hop. Et vraiment, j'aime ça. Et bon, on va écouter ça maintenant. I Won't Go For More, c'est extrait de ton album qui sort lundi. Cause I want What is in my heart? Let it ring through you. I will sing for you. I will sing for you. What is in my heart? Let it ring through you. But I won't go for more. I won't go for more till the rain stops. I won't go for more. I won't go for more till the haze drops. C'est le Planète Rap avec Selassou et ce morceau qui s'appelle I Won't Go For More. Ça doit être beau en fait quand tu quand t'écoutes ce morceau, toi quand tu te souviens que tu l'as fait à la guitare, mm-hmm. comment il est né avec ta voix à la guitare et tout, et que tu l'écoutes maintenant fini, oui. prêt à sortir. Oui. Il y a une certaine magie quand même autour de ces titres-là. There's some kind of magic when you remember that you started with the guitar only and now with your voice and now you hear it as it is now. It must be magical to hear. Yeah, oui. Mais j'aime aussi la version acoustique. Ah. J'aime les deux. Bon, c'est vrai que toi, t'es très guitare. T'aimes bien prendre ta guitare n'importe où, dans n'importe quel endroit. Là, t'étais à Zurich, tu joues. Oui, c'est vraiment facile aussi comme ça. Et tu sais, quand tu fais une chanson juste avec la guitare, quand c'est une bonne chanson aussi. Ah, t'arrives à savoir tout de suite si c'est une bonne chanson? Oui. Tout de suite. Tout de suite. Tu te souviens par exemple même des gros cartons, si on se rappelle de Ragamuffin, des morceaux comme ceux qu'on a pu diffuser sur l'antenne de Skyrock. Dès le début, tu savais que c'était des bonnes chansons. From the very beginning, from Ragamuffin, for example, you knew it was a good song. Mais j'ai ça avec tous mes morceaux. Ah ouais, c'est et ça. Quand j'ai ça, quand je sens que c'est pas un bon morceau, je finis jamais. Donc je finis juste quand je sais que c'est une bonne chanson pour moi-même. Mais j'ai jamais. I never expected that Ragamuffin would be such a tube. Actually, that was a big surprise. Pourtant, je pensais cependant pas que Ragamuffin serait un tube à ce point-là. Ça a été quand même une grande surprise. Et alors, est-ce que toi, justement, tu produis beaucoup? Il y a beaucoup de morceaux dans les tiroirs. Do you write a lot? Are there a lot of musical songs and songs that you have in your drawers somewhere? Like extra songs? Yes. Non, parce que comme j'ai dit, j'ai jamais fini une chanson qu'on sait pas bien. Ah oui, il y en a pas que t'as fini mais que tu dis bon bof, je la mets de côté. Non. Non. Oui. Si t'y arrives. Non, oui, peut-être. Je comprends pas. So there's nowhere a song that is left somehow behind that you could start again and take again. Peut-être oui, mais c'est un certain moment et je pense dans deux ans, pour moi c'est fini cette chanson. C'est une autre époque pour moi. Par exemple, est-ce que tu as beaucoup écrit autour de là, il y a 13 morceaux sur l'album. Est-ce que tu en as écrit beaucoup plus ou du moins écrit un petit peu, est-ce que tu avais beaucoup de débuts de chansons? Oui, j'ai un petit peu extra, mais voilà, j'ai aussi un EP et c'est une bonne manière de exposer. C'est vrai qu'il y a eu un EP qui est arrivé à la fin de l'année 2014, hein. Oui, voilà. Mmh. Ouais. Où tu as mis quelques titres. Oui, extra titres. Extra titre. Ouais. Voilà. Et puis sinon, tous les autres, on le retrouve sur cet album qui sort lundi. Lundi 30 mars dans les bacs. C'est l'album de Selassou qu'on découvre. Dans quelques minutes, on mettra, ta rencontre avec Childish Gambino. Le morceau Together à écouter d'ici quelques minutes. Vous, en freestyle, inscrivez-vous aussi 41759. Votre prénom, numéro de téléphone pour rapper ce soir en direct. 41759. Et on revient juste après ça. Planet Rap. L'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h. Tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, hey Planète Rap en direct avec Selassou sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Selassou, notre invité tous les soirs de la semaine. Selassou nous fait l'honneur d'être là dans Planète Rap avant de repartir aussi en tournée, avant sa sortie, la sortie de l'album Reason qui sortira lundi dans les bacs. Mardi soir avec Selassou, on va écouter un morceau, c'est là. Oui. Si tu veux bien, un morceau avec Childish Gambino. Ah, ouais. Ah, il est bien celui-ci. Ouais. Ça, c'est le seul featuring de l'album, hein. Oui. Ouais. C'est le seul featuring. Ouais. C'est un morceau qui s'appelle Together. Mm-hmm. On le balance? Oui. Selassou, et à l'instant un extrait de l'album, le morceau s'appelle Together avec Childish Gambino, qui est un rappeur mais qui est aussi un comédien aussi, hein, Childish Gambino, hein, c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis, qui a joué dans des séries, dans des films aussi. Tu confirmes? Oui. Tu confirmes, tu es d'accord? Oui. Quelqu'un avec qui t'as apprécié bosser, a priori, puisque c'est le seul featuring de l'album. Did you appreciate working with him? Yeah, I thought, I mean, he's like really credible as well. You know, you have a lot of gangsta rapping, you know, in the hood. But he was really cool. He was really like smart rapping. And it was a big honor that he was singing on my record. Oui, il est très crédible comme gangsta. Il a vraiment toutes les manières, il a tout vraiment ça. Mais il est aussi très intelligent. C'est super de l'avoir sur mon album. Et bah, il est sur l'album avec ce morceau qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Selassou, notre invité tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Et vous aussi, vous rappez dans l'émission, il y a le freestyle par téléphone. Et le freestyle par téléphone ce soir, c'est Dims. Dims de Poissy, ça va bien Dims? Ouais, ça va, et moi? Bienvenue dans l'émission, bienvenue dans le Planète Rap, Dims. T'es prêt à faire un freestyle par téléphone? Ouais, y a pas de soucis. Et attention, je rappelle aussi pour tous les freestylers cette semaine, il y a pour vous entrée gratos à la soirée hip-hop du festival Chorus des Hauts-de-Seine qui aura lieu ce week-end samedi du côté de la Défense avec sur scène Youssoupha, Joke, Big Flo, Lee Giorgio, Joey Star avec Natty, Cut Killer, DJ Pone, Sienna aussi et plein d'autres. Toi, t'as tes deux entrées comme ça, Dims, d'entrée de jeu, c'est fait. Ok, c'est cool. C'est pour toi, mon pote. Yes. Allez, on t'écoute rapper, session freestyle par téléphone. Yeah. Ok, ok, Dims, yeah. Pseudonyme Masta, oui, Masta. Dims, mais Fasta, qui fait, je suis pas l'Asta. Non, tu passes ta, moi, tu passes ma vie. Ah, vive dans l'imaginaire comme on passe ta vie, quoi. Ah, je gravis les échelons, je navigue. Dans la musique, il y a quelques bémols à ce qu'on m'a dit. Ah, plus de temps à perdre, je passe la cinquième année. Le rap manuel, moi, c'est automatique. C'est pas dans mon te boost, au faux mal. Le volant genre Volvo, Aston Martin, Aston Baratine, Baratine est parti, des rimes parti, si je parle en tonne, papy, pas de pilote, à part moi sur le beat, le bébé est mort, et je parle de toi car ton cœur palpite, c'est parti, le phénomène sans marche, t'as même pas l'oreille, fais de même car tes yeux s'écarquillent. Je me prends pas la tête quand j'écris, je kiffe seulement, je kiffe seulement, c'est possible, jusqu'à le mars, Donny, c'est Dims et l'équipe, on te demande, dis-leur que c'est les mots qui, mis en gémis les mots, et hey, ma vie, t'es les mains, devise, c'est que ça te les mange, de critiquer, d'ouvrir ta bouche, en gros, de faire le mot, mais je suis pas comme tout le monde, moi, je m'en fous tellement, cours de clapper, moi, je te montre que c'est comme si t'étais mort, hein, tireur d'élite, je pars en pole, position, donc c'est ta tête que je caracole, tu vois, comme ça, il est simple, mais dans ce fond, il fait singe, il fait chier, non, il se la raconte. Ya, ya, high head. T'as la langue qui pointe, tu sais, faut comme un labrador. Je peux pas le connaître sur la pile, c'est pas le moine. Donc les cheveux blancs ne font pas le Nelson Mandela. Et les textes de rap ne font pas la Kaira. Donc pose-toi, écoute Dims sur le freestyle de Skyrock. Yes, Dims yes. À l'instant, exercice de style ce soir avec toi, Dims. Yes. Eh ben merci, mon pote. On peut te retrouver où sur le net? Vas-y, balance-toi. Hein. Masta Dims sur Facebook, Twitter, Instagram, partout. C'est M-A-S-T-A-D-I-M-S. Masta Dims. Voilà, c'est ça. Attaché partout, Facebook, Instagram, Twitter. Petite voilà, dédicace, petit message à passer en particulier. Ouais, dédicace sur toi. Antoine, premièrement, Antoine. Après, tous mes gars, hein. Bon, la Lourtip, les Monkeys, Giz, Easy, Killa, Mike Tino, avec pas de faire une liste de rappeurs. Hein. Bon, ils se reconnaîtront. Eh ben, merci à toi, Dims. Voilà. Yes. Et bon courage pour la suite. Et tu vas donc au Festival des Hauts-de-Seine ce week-end. Le Festival Chorus, la soirée hip-hop avec Youssoupha, Joke, Big Flo et Oli, Giorgio, Joey Star et Natty, Cut Killer, DJ Pone, Sienna et plein d'autres. C'est samedi soir du côté de la Défense. Le Planet Rap continue, 20h-21h avec C'est la Soupe. L'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, hey yo. Planet Rap, en direct avec C'est la Soupe sur Skyrock. Pour rappeler, c'est simple, hein, freestyle par téléphone 41-759. C'est la Soupe, notre invité Reason sur Skyrock. Album qui sort dans 6 jours maintenant, ça y est, tu peux plus rien faire. Toi qui es perfectionniste, tu l'écoutes en permanence l'album là en ce moment ou ou tu souffles un peu? I never listen to it. But it's really hard to let go, you know. For an album, you really have to make something and then let it go, and that's really hard because it's actually never finished. But thank God I can do perform live and make it better live, you know. Jamais je ne me réécoute. Je réécoute jamais mes albums. C'est dur de créer quelque chose et puis de s'en défaire, de faire qu'on ne peut plus. Il faut le quitter. Il faut en partir. Il faut se séparer. Ça. Heureusement que j'ai les concerts parce qu'en live je peux m'améliorer. Mais c'est le seul moyen. Tu réécoutes jamais tes albums? Non, jamais. C'est pas vrai. Oui, c'est vraiment vrai. Aussi maintenant, quand j'écoute mes chansons, c'est un petit peu difficile. C'est vrai. Tu dis, ah, mince, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû chanter autrement. You should have sang it differently. Oui, voilà. Parce que c'est vraiment un moment et voilà, c'est fini, et c'est ça moment et c'est toujours sur l'album et pour moi, c'est vraiment difficile. Et quand tu les fais sur scène, justement, les morceaux, est-ce qu'à chaque fois, tu essayes de les adapter un petit peu par rapport? Ah oui, bien sûr. Beaucoup? Yes. Life, it can grow and it can become like bigger and bigger and better and better. So that's a good thing about performing. Oui, la performance live, le concert, la scène, on peut améliorer, on peut toujours rendre la chanson plus importante, plus forte encore et encore. Et c'est pour ça que c'est bien. Il n'est pas bon? Le thé est vraiment pas bon, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est un truc organique pourtant. Il n'est pas bon? Vraiment pas bon, non. Mais arrête de le boire alors. Ouais. Dégoulasse. Sois pas malade 6 jours avant la sortie de l'album quand même, ce serait con. Elle tombe malade à Skyrock après un mauvais thé. Non, c'était, bah écoute, on va t'en faire un autre petit thé pour toi. T'inquiète, tout va bien. We're gonna make another one for you. T'as pas une bière? Non, pas de thé. Non. Non, de la bière? Non, pas de bière aussi. Non. Vraiment, c'est tôt, hein. Ah. En concert, est-ce qu'il y a un petit rituel d'ailleurs de Célasou avant avec les musiciens? Est-ce qu'il y a un petit rituel particulier? Oui, on fait un grand, comment tu dis ça, like humble, like cuddle. On se serre tous ensemble. C'est une espèce de mêlée, quoi, un peu voilà. À la rugbyman. Voilà, rugby, voilà, faire le rugby. Et on dit, ok, voilà, ça va être vraiment très bien. Et on boit un petit peu de vodka. Et voilà. Ah, bah voilà. Donc, c'est le rituel. C'est le rituel juste avant. Et puis, par contre, après le concert, on boit beaucoup de vodka. Moi, pas, mais oui, les hommes. Oui, bah bien sûr. Oui. Toi, jamais, rien. Non, parce que c'est vraiment. Pas bien pour ma voix quand je dois jouer la journée après c'est pas vraiment t'es pas une fille d'excès toi quelquefois mais pour moi c'est des extrêmes où je or I go really crazy the whole night or I don't do anything. Soit je deviens dingue toute la nuit, je fais la folle toute la nuit, soit je fais rien du tout. C'est ça l'alcool, ce que ça fait. Ah ouais, c'est ça. C'était quand la dernière grosse cuite que t'as prise? C'est demain? Non, c'était deux semaines passées. Ah ouais, et là vraiment. Toute la nuit, oui. Carpet, quoi. Oui. Comme on dit, morte. Oui, oui, presque. I make sure that I don't have to do anything 2 days after. Je fais attention pour ne pas me saouler alors que j'ai deux jours vides devant moi. Il faut toujours que j'ai deux jours devant moi, sinon je ne vais pas le faire. Est-ce que tu as fait d'ailleurs des grands morceaux est-ce que tu as créé des grands morceaux pétés? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu as pris ta guitare? Created good music and great music while you were drunk. J'ai essayé ça, mais ça marche pas parce que je pense que c'est vraiment magnifique et le jour après, je pense What the fuck is this? Donc non, c'est une ah ouais, c'est le truc un peu genre t'as bien picolé, tu prends la guitare, tu dis j'ai fait un titre énorme, et tu le réécoutes le lendemain, tu dis waouh. Non, c'est, ouais, exactement. À la poubelle tout de suite, quoi. Ouais. Bon, dans quelques minutes, tu vas nous faire du live, c'est là. Du morceau, un morceau en live, même un petit medley, c'est ça, hein, ce soir. Ok. Tu as pris ta guitare, tu nous feras un petit medley. Juste avant, on finit sur quel morceau? Quel est le morceau, l'album que tu as envie qu'on passe? What is the music that you would like us to listen to? What is the music from the album that you prefer for us to listen to? Quelle chanson? Tu es dans quel état d'esprit? Un morceau un peu plus sombre, un morceau joyeux? Maybe a song that fits the radio, the best. Peut-être un morceau qui plaise à la radio. Ouais. Ou qui te plaît à toi? Non, qui te plaît à toi. Ou moi. Ouais, okay. Un morceau qui te plaît à toi, c'est attends. Peut-être la dernière chanson. Falling Out? Falling Out, yeah. Un petit mot sur ce morceau? Oui, c'est vraiment underground, c'est vraiment électronique, mais je pense que la mélodie aussi, les corps et the rhythm is really cool. Je trouve que le rythme est très cool. Et bon, on va écouter ça maintenant. À vous de juger. Le morceau s'appelle Falling Out. Et c'est un titre de Célasou à découvrir en exclu dans Planet Rap. La sortie de l'album, c'est le 30 mars. Around me, it's a hopeless fire. Oh, I wish I could find some hope in time. Yes, I try to feel thankful, it's what I'm aiming for. But these genes of despair pull me deeper than you'll ever know. All this madness inside me. Despite all this, I'm asking you, 'cause I Extrait de l'album Reason, l'album de Selassou qui sortira le 30 mars dans Planète Rap entre 20 et 21. Celui-ci, il est né comment? C'est l'appareil, c'était même principe guitare ou non? Il t'a fallu la prod pour l'écrire celui-ci? How was this one written? Was it with the guitar or with the whole production? Oui, c'était avec ma pianiste et c'était sur la piano, donc c'était juste keyboard et voix. Ah oui, donc il s'est bien accéléré en fait le morceau aussi. Oui, oui, vraiment, ouais. Oui, avec le beat. Ouais. Falling Out, c'est ce qu'on écoute à l'instant. C'est le morceau qui conclut l'album. Il y a une raison particulière? Oui, je pense que c'est une bonne fin. Conclusion, ouais. Conclusion, oui, parce que c'est... It's like a really hard message, you know, I'm falling out of love with myself. It's like a dark thing to end, but I think it's really strong as well. I think the song is really strong and deep and honest. J'ai trouvé que cette chanson, elle était particulièrement forte et sombre et sincère. Et je trouvais que c'était une bonne façon, peut-être même si elle est triste, de finir cet album, de le conclure. Il y a d'ailleurs pas mal aussi de chansons hein, qui sont un petit peu deep, qui sont un petit peu tristes hein, sur cet album. Oui, mais c'est la vie, hein. C'est la vie, hein. C'est ups and downs. Et c'est que, I think it's important for me, you know, to be really honest on that. I think everybody expects like as she is successful and she has it all and she's really happy. But I want to make clear that even though you know you have success, you maybe look good, you know, you can feel really bad and life is still a struggle. I think it's important to be really honest on that. Il y a des hauts et des bas et je crois que c'est important d'être sincère dans tout ce qu'on fait et même si on pense oh elle a du succès, elle est heureuse, tout va bien pour elle. Moi, je trouve que c'est important dans mes chansons de dire que ça ne va pas toujours et que la vie, elle est dure et que c'est parfois que ça va mal et c'est ça que je veux exprimer. Et c'est ce que t'exprimes aussi, ça doit arriver aussi. Il y a certains artistes qui en ont fait des morceaux, mais justement où bah dans la vie, ça va pas tellement bien, mais quand tu dois monter sur scène, il faut mettre le visage du clown, quoi, le visage où tout va bien. There are moments and artists have written a lot of songs about that. Well, even if you feel bad, when you have to go on stage, you have to put the happy face, oui, the clown mask, and do it anyway. Moi, je fais soul music, donc c'est vraiment, je suis vraiment honnête on stage. You know, I can feel a lot and I can show that. So I, you know, sometimes I don't feel it and then I give a bit more, but I'm kind of always honest. Mais c'est important d'être honnête pour moi. Je ressens beaucoup de choses sur scène. Je ressens des choses parfois très très fortes et c'est important pour moi de les dire. Et même si des fois j'en ressens moins de choses, j'essaie quand même d'exprimer le plus possible. Il y a des moments justement où t'as eu du mal plus que d'autres à monter sur scène? Was it difficult sometimes to go on stage? Oh yeah, ouais. Oh, yes. Parce que c'est dur, c'est vraiment chaque journée. J'ai fait un tour de 2 ans et demi. Et c'était incroyable. Oui, c'était chaque jour les mêmes chansons. C'était 12 chansons sur le premier album. Donc oui, parfois c'était vraiment dur, oui. Tu te souviens en particulier, il y a des moments, je sais pas, des endroits où tu t'es dit, quand tu sortais de scène, oh, j'en peux plus. Do you remember places, evenings where you felt like you had to stop and that you were... Yes. Mais quand je suis vraiment sur stage, j'ai cette endorphine et énergie and that takes over always. So, et ça me rattrape toujours, ça reprend. Quelque chose qui te porte, quoi. Oui, voilà. Ouais. Porté par le public. Oui. Bon, bah là, tu vas nous emporter aussi. Je te propose de prendre ta guitare, si tu veux bien. Ok. Et on va t'écouter chanter maintenant. Ok. Allez, c'est parti, c'est la Sou en live dans Planète Rap. In New York, they want me, and I'm gonna be there. That city's calling, and I'm gonna be there. And at Skyrock, they want me, yes, and I'm gonna be there. Spreading the vibe all over, damn. Rusty Luckin calling them. Shilly dilly, welly dilly dilly, shilly. The vibe is so right. Yes, you never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to say. So and I'm all gas. Oh, so dear Rockamuffin is a one-off different. What you see is what you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. Rockamuffin, shall I not fall down? Cause he is the wisdom muffin, not fool around. But why don't you be good, so see on the ground, yes. Cause, woo, woo, woo, yeah. Woo, woo, woo, and yeah, yeah. Woo, woo, woo, yeah. Woo, woo, woo, yeah, yeah. We're gonna do some fire now. So give me fire, fire, what shall I do? My teeth ready to kill off my mental state, yeah. Be a strong now, we like a wall, let it get me. No women, I just can't do that. Cause I'm a fighter, I'm not a big crier. So pick it up, everyone trying to fierce them ass. Yeah. Pick it up, everyone trying to fierce them ass. Give me fire, fire, what shall I do? My teeth ready. Bravo! À l'instant, en live, c'est la Sou avec nous entre 20 et 21 dans son Planète Rap. Et ce morceau qui a quand même une histoire incroyable, hein, ce Ragamuffin qui t'a emmené sur toutes les routes du monde entier. Ce titre Ragamuffin, c'est ce que tu me disais tout à l'heure en début d'émission en disant, ah, jamais j'aurais pu attendre un tel carton autour de ce morceau, en fait. Tu veux peut-être un coup de main sur Harold? Tu ne m'as pas très bien compris, j'ai l'impression. Oui. C'est ça. Je suis dit. Quand tu expected Ragamuffin to be such a success. Non, pas vraiment. Mais je suis aussi une personne qui vit vraiment in the day, you know. Au jour le jour. Oui, voilà. Ah, au jour donc, le jour. But you know, it's I never expected it. You know, I really wrote the song in 1 hour or something. So it's a really nice surprise that it went that big. Yeah. Mais je m'attendais vraiment pas. C'est une chanson que j'ai écrite en une heure, quelque chose comme ça. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse un tel carton. Ouais. Et voilà, c'est ce que je disais. Donc, qui t'a emmené un peu partout ce morceau. Et là, il y a encore plein de nouvelles belles chansons de Céla Sou. L'album arrive dans 6 jours. Tu seras là tous les soirs. Merci pour cette soirée, Céla. Merci à vous. Demain, on te retrouve. 20h-21h, peut-être des surprises aussi demain, soyez là, en direct entre 20h et 21h avec Céla Sou et tous les soirs de la semaine. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Ciao, Céla. L'émission rap de référence. Planète rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, hey yo. Planète rap en direct avec Céla Sou sur Skyrock. Et on a le temps juste avant la roulette de balancer ce morceau Alone. Céla Sou et Gizmo, maintenant, on écoute sur Skyrock dans Planète Rap. It's a dark road. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Quand mon cœur me fait des coups bas, je suis dégoûté dans la foulée, je me suis écarté de ma foi. Tant pis, je vois que quand j'ai envie de toi, tu es loin, je suis pas bien, je me balade en ville le soir, j'ai des flashs de tous les deux. Faut pas qu'on se lâche, tu vois pas tout ce qu'on cache, ça s'est passé sous tes yeux. Tout va si vite, je te cache pas, ça devient speed. Sois pas si triste, t'inquiète pas, je reviens vite. Pas très loin, je pense à toi, Dieu m'en soit témoin, bien sûr que je me rappelle de toi. Perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu oublies ton amertume. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu perds tout ton temps dans l'amertume. Cause I'm alone. I'm alone. C'est Coucou. C'est la. Without you. t'offre le Voilà Voilà Tour de Kev Adams. Moi, c'est Kev Adams. Plus l'intégrale de Tupac en CD. California. C'est génial. Et la roulette, on va la faire tourner avec Ophélie ce soir. Demi, ça va bien Ophélie? Ouais, ça va, merci. Ouais, ça va. Bah écoute, bienvenue pour faire tourner la roulette Ophélie. Merci. Tu es prête? Ah ouais, carrément. Allez, juste avant de retrouver la radio de Default, tu vas me faire un gros stop. Un stop tout en aigu, magnifique. Magnifique, Ophélie. Eh ben, c'est la totale, c'est les places pour aller voir Kev Adams en tournée avec Skyrock et l'intégrale de Tupac aussi. Tous les albums de Tupac, c'est pour toi, ils arrivent à la maison, Ophélie. Oh putain, merci, merci, merci Skyrock. Comme tu dis, oh, oui, oh putain, c'est pour toi. C'est pour toi la totalité des albums de Tupac et Kev Adams. Yeah, merci. Je te fais un bisou, passe une bonne soirée, Ophélie. Gros bisous, bonne soirée. Ciao, ciao, la soirée qui continue avec D-Fool, la radio libre. Et le retour de C'est la Sous, c'est demain, entre 20h et 21h, en direct sur Skyrock, à pas louper. Les images seront dispo 20h 21h demain avec Célasso. C'est parti pour l'équipe, tout le monde est là? Eh oui, Fred. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais. Salut. À demain, avec Célasso et nous avec 13 songs qui débarquent ce soir. Eh ouais. Anna. 13 songs sur Skyrock de la radio Libye. Il vient nous faire un petit coucou avant de filer sur la scène demain et après-demain du Zénith de Paris. 13 songs. C'est nous. Ils sont en première partie de Nicki Minaj, 13 songs. On va lui demander comment ça se passe pour les concerts, qu'est-ce qu'il a préparé là-dessus. Et tout ce que vous voulez aussi, 13 songs qui débarque avant minuit, il vient nous faire un petit coucou. Et je vois que Romano et Karim nous font une petite danse. On se frotte un peu, quoi. Mais oui, une petite danse sexy. Ah, mais là, ils sont arrêtés, du coup, là. Ouais, je te le remets si tu veux. Ah, bah. Ouais, mais celui-là est trop mou, là. On tu veux te frotter, toi. Pas le bottom up, là. Ouais, parce qu'on se frottait bien, là. On se frotte très bien, là, à la bite. Ah, mais non, mais j'y crois pas, les yeux. Oh oui, oh oui. Non, mais vous êtes dégueulasse. Ah, ça t'excite à la mort. Ils ont le droit de se frotter. Elle aussi, a la chatte en feu déjà. Ah, bah certainement, oui. Bon, je suis content de vous retrouver toute l'équipe. Content de vous retrouver vous aussi qui êtes derrière la radio et sur Skyrock ce soir. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 01 53 40 30 20. On a parlé de 13 songs, mais il va se passer plein de choses ce soir. C'est entre 21h et minuit. C'est sur Skyrock. Et on va démarrer avec le nouveau Rihanna. Encore un titre que vous avez découvert sur Skyrock et dans la radio libre. C'est Rihanna, le nouveau Dancing in the Dark.